Le vétéran de guerre Park Jong-si, habitant de la subdivision communale numéro 50 de Kwan Hun, ville de Kaesong, et le médecin émérite, professeur et docteur Kim Joo-jin, chercheur de l'Institut de la médecine clinique de l'hôpital populaire de la province du Hangi du Sud, ont salué respectivement les 90e et 80 ans. Le dirigeant suprême Kim Jong-un a fait fêter en grande pompe leur anniversaire.